Penser se dit denken. Denken. Donc, je pense se dit ich denke. Ich denke. Et il y a aussi le verbe croire. Glauben. Glauben qui s'écrit G-L-A-U-B-E-N. Glauben. Glauben s'utilise très fréquemment, non seulement dans le sens de croire, mais aussi dans le sens de penser. Comment diriez-vous nous croyons? Wir glauben. Wir glauben. Nous croyons qu'on utilise aussi dans le sens de nous pensons. Donc, si vous voulez dire je pense qu'il sera là bientôt, vous direz plutôt que ich denke, ich glaube. Ich glaube. Je crois, je pense, oui. Je pense qu'il sera ici bientôt. Ich glaube, dass bientôt. Bald. Bald, oui. Ici. Hier. Mm-hmm. Sein wird. Bien. Ich glaube, dass bald hier sein wird. Et comment diriez-vous « J'espère que vous pourrez manger avec nous ce soir » ? Ich hoffe que vous pourrez manger avec nous ce soir ? Dass sie ce soir, dass sie heute Abend mit uns essen können. Bien. Ich hoffe, dass sie heute Abend mit uns essen können. Vous avez choisi d'utiliser un présent au lieu d'un futur, ce qui est possible en allemand. Facile en allemand se dit leicht, leicht. Et leicht a aussi le sens de léger. Leicht, ça s'écrit L-E-I-C-H-T. Leicht, leicht. Leicht. Leicht, ça veut aussi dire léger, donc facile à soulever. Leicht. Inversement, lourd se dit schwer. Ça s'écrit S-C-H-W-E-R. Schwer, c'est lourd. Et ce qui est lourd est difficile à manipuler. Donc, schwer prend à la fois le sens de lourd et de difficile. Es ist sehr schwer, c'est très difficile. Comment diriez-vous c'est très facile? Es ist sehr leicht. Leicht, oui. Es ist sehr leicht. De la même manière, c'est très intéressant se dit es ist sehr intéressant. Interessant. Interessant. Interessant. Es ist sehr interessant. En allemand, on fait sonner le T final. Interessant. Un autre mot est d'usage très courant. C'est bequem. Bequem signifie confortable. Comment diriez-vous c'est très confortable ici? Es ist sehr bequem hier. Es ist sehr bequem hier. C'est très confortable ici. Bequem. Bequem. Es ist sehr bequem. Et si vous parlez de quelqu'un pour dire qu'il est très gentil ou elle est très gentille, vous utiliserez nett. Ist sehr nett. Sie ist sehr nett. Sehr nett. N-E-T. Ou le mot d'origine française, sympathisch. Sehr sympathisch. Sympathisch. À vous? Sympathisch. Sympathisch. On reconnaît le mot français sympathique. Sympathisch. Il y a un mot magnifique en allemand, très caractéristique, qui s'emploie pour décrire l'atmosphère d'un lieu. C'est gemütlich. Gemütlich. Müde. À ne pas confondre avec müde. Müde. Qui signifie fatigué. Oui. Müde, nous l'avions vu, c'est fatigué. Mais gemütlich, avec un T, comme dans es ist sehr gemütlich, es ist sehr gemütlich hier, sert à décrire une ambiance conviviale, faite de confort et d'intimité. Gemütlich, c'est un mot très allemand, un sentiment très allemand. Die Gemütlichkeit, c'est une atmosphère allemande, chaleureuse, confortable, douillette, une ambiance bien spéciale. Die Gemütlichkeit.